Vous savez qu'on a appris depuis hier la mort de la très très belle Françoise Hardy. Alors avant de commencer la saga des Fab Four, je voulais qu'on lui rende hommage parce qu'elle faisait partie des yéyés. Elle a été courtisée par Mick Jagger, par je crois David Bowie et Bob Dylan surtout, qui l'a trouvé plutôt très bien. Et il paraît que John Lennon l'a trouvé à son aise. Bon, alors pour Françoise Hardy, voici tous les garçons et les filles de mon âge sur RIG. Et à tous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 604 et vous me voyez absolument désolé pour le son pourri de la radio ce soir parce qu'on ne peut rien faire, j'ai essayé de toucher plein de boutons, il n'y a rien à faire, ça grésille et ça va grésiller pendant toute l'émission. Heureusement, la semaine prochaine, on aura une nouvelle table et on peut caresser l'espoir que ça ne grésillera plus. L'album de la semaine de cette semaine, c'est l'album Sentimental Journée de Ringo Starr en 1970. On écoutera Bye Bye Blackbird, il y aura également I'm a Fool to Care, il y aura Stardust, il y aura Sentimental Journée, bien entendu, il y aura Have I Told You Lately That I Love You, hein? Est-ce que je vous ai déjà dit dernièrement que je vous aimais? On verra ça tout à l'heure. You Only Always Hurt The One You Love, là c'est le mauvais côté. Et puis il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et les Beatles. Alors pour les Beatles, j'ai décidé, puisque c'est l'une des dernières émissions, que tous les Beatles seront en live. Donc ce sont les Beatles post-séparation et chante des chansons. Comme par exemple, McCartney nous reprendra Lady Madonna. Plus tard, McCartney nous reprendra Blackbird. Mais il n'y aura pas que lui, il y aura aussi Harrison qui reprendra quelque chose. Et puis, vous verrez bien à la suite de jusqu'à 22h. Voilà, tout va bien se passer. Ah oui, vous voulez savoir aussi les quatre premiers titres comme d'habitude. McCartney, ce sera Little Woman Love sur l'album, sur le single sorti en 1972. Ça fait partie des sessions de Ram. Et donc, c'est très, très bon. Il y aura pour Lennon, You Are Here sur l'album Mind Games. Et puis, George Harrison nous chantera l'extraordinaire Isn't It a Pity. Il y a un petit moment qu'on l'a pas écouté. Il était normal qu'on le repasse. Enfin. On dirait que le son est meilleur. Ouais, j'aurais pas dû le dire, Timmy. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de John, Paul, Ringo et George. Et à tout de suite pour la suite. Up all my cares and woe, here I go, singing low, bye, bye, Blackbird, where somebody waits for me, sugar is sweet, so is she, bye, bye, Blackbird, no one here can love and understand me. Look, stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Somebody waits for me, sugar is sweet, so is she. Bye, bye, bye, Blackbird. I said, no one here can love and understand me. Oh, while hard luck stories they all hand me. So make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, Blackbird, bye-bye. Make my bed and light the light, I'll arrive late tonight, Blackbird. I said Blackbird, I said Blackbird, oh Blackbird, bye-bye. Bon, eh bien, dites-moi si ça grésille, parce que j'ai l'impression que ça ne grésille plus. Je vous propose John Lennon sur l'album Mind Games qui va ressortir là, dans très très peu de temps. Et je vous propose un morceau qui vient de ressortir en Ultimate Mix, donc c'est censé être meilleur. Voici You Are Here sur RG. Imaginez, vous êtes fan des Beatles en 1970 et vous devez acheter l'album de Ringo Starr qui est sorti, l'album qui s'appelle Sentimental Journey, qui est l'album de la semaine. Vous vous trouvez avec un album de John Lennon qui s'appelle Plastic Ono Band, qui est absolument fabuleux, qu'il faut acheter aussi. Il y a l'album McCartney qui sort en avril, c'est lui qui met la fin, qui signe la fin des Beatles, donc l'album de McCartney. Et puis, un autre album de Ringo Starr qui arrive, qui s'appelle Bocups of Blues, deux albums la même année. Et enfin, au mois de décembre, l'album All Things Must Pass, le triple album, L'album dans lequel George Harrison se lâche depuis le temps qu'il avait des bonnes chansons et que ses deux compères John et Paul disaient « Oui, bon, c'est bien. Écoute, on la met de côté et on verra plus tard. On va en faire une de John et moi. » Ou de Paul et moi. Voilà, ça dépend qui répond. Eh bien, il se lâche avec que des bonnes chansons. Comme par exemple celle que l'on va entendre maintenant. « Isn't it a pity ?» sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. That surrounds them. pendant très très très longtemps, je parle de dizaines d'années, je n'avais pas remarqué qu'à la fin, les chœurs disent la la la la la la la la la la la, isn't it a pity? Donc un petit bout de Hey Jude quelque part. Ben oui. Écoutez, re-écoutez le disque, vous verrez, c'est dedans. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Isn't it a pity par l'excellent George Harrison qui prouvait là, une fois de plus, qu'il était au niveau de John ou de Paul. Bon, depuis le début de l'émission, nous avons écouté Bye Bye Blackbird par Ringo Starr. C'est l'album de la semaine, l'album Sentimental Journée, sorti en 1970. Il y a eu Little Woman Love par Paul McCartney. You Are Here par John Lennon et à l'instant Isn't it a pity. Avant de mettre le live Lady Madonna sur Wings Over America en 1976, au moment où Paul McCartney est au top de sa forme, de sa voix, de sa setlist, c'est vraiment merveilleux. Eh bien avant ça, je vais vous dire qu'il y a au moins trois sites qu'il faut consulter si vous voulez tout savoir sur nos amis de Liverpool. Il y a le site Maca Club qui est bien entendu centré sur Paul McCartney, mais on peut bien évidemment parler des trois autres parce qu'ils sont liés. C'est normal, Maca Club. Il y a le yellowsub.net qui est plus dirigé sur les Beatles. Mais si vous avez envie de dire du bien de McCartney, vous pouvez, parce que c'est normal, on en parle de cela. Et puis, il y a le site international universel, plus que ça encore, qu'est-ce qu'on peut faire plus grand qu'universel? De Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur BeatlesMagazine.com, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. Merci Paul McCartney. Retour à l'album de la semaine, l'album Sentimental Journée, sorti en 1970 par Ringo Starr. Et quand on lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu nous as sorti un album comme ça ?», il a dit « Dixit, j'ai voulu faire ça pour faire plaisir à ma maman. »

between. 43 ans après Ringo Starr, Paul McCartney s'y est mis aussi aux vieilles chansons, avec une voix plus fatiguée que Ringo, forcément, puisque Ringo avait 30 ans en 1970, et en 2013, Paul McCartney en avait beaucoup plus. Bon, il y a une semaine ou deux, je vous avais proposé une version de John Lennon, vous savez, la version Evolution Documentary, c'est-à-dire qu'on voit, on écoute une chanson, et on voit un petit peu la progression de cette chanson au fur et à mesure des répétitions. Voici la chanson I Found Out en Evolution Documentary. Ça dure 6 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est intéressant aussi. La voici sur RG 90.7. C'est la radio des Beatles le mercredi soir entre 20h et 22h. Maybe I should do it on my own at the beginning and then you come in. Okay. I told you before, stay away from my door. Don't give me that brother, brother, brother, brother. The kids on the phone won't leave me alone. So don't give me that brother, brother, brother, brother. No. I mightn't stop on, but now that I found out, I'm done. So don't worry, you know, just busk it. Okay, this beginning is a cocksure. But play more simple or exactly like I actually play. It sounded beautiful to me. Just play how you feel, you know, because it is Carl Wolf. I told you before, stay away from my door. Don't give me that brother, brother, brother, brother. The freaks on the phone won't leave me alone. So don't give me that brother, brother, brother, brother. Sitting there with your cock in your hand, don't get you nowhere, don't make you a man. I heard of something about your ma and my pa. They didn't want me, so they made me a star. I've been through it all. I've seen religion from Jesus to Paul. Don't let them fool you with dope and cocaine. No one can harm you. Feel your own pain. Like that. I know my baby, she's so big. you nowhere, make you a man. I heard something about my ma and my pa. They didn't want me, they made me a star. My goodness, my Guinness. One of the keys has come off the guitar. Okay. See, because I tend to do the beginning a bit slower, so it might put you off. Because it used to be. I told you before, now that I showed you what I've been through. Don't take nobody's word, what you can do. There ain't no Jesus gonna come from the sky. Now that I found out, I know I can fly. That speed's nice, isn't it? What, you don't think so? Not really. Okay, okay. Whoa! I found out. I found this out. I don't think any of them are as good as the other. Et on peut rajouter au travail de Ringo Starr en 1970 qu'il a participé à l'album de John Lennon, puisque sur cette chanson-là, en 1970 sur Plastic Ono Band, eh bien, il y a la moitié des Beatles, il y a John Lennon et Ringo Starr à la batterie. Mais oui, monsieur, dame. Mais bougez pas, John Lennon arrive dans la saga des Fab Four.

vain. In my heart it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Attention, à venir sur RIG, en 1992 au Japon et en live, Something et While My Guitar Gently Weeps avec George Harrison et tout le groupe de Eric Clapton pour l'aider. Ça, c'est le style d'Eric Clapton de vous faire une intro qui n'a rien à voir avec la chanson pour vous perdre un petit peu. Puis après, quand on a appris l'habitude, s'il refait la même intro, on sait de quelle chanson il s'agit. Deux des plus belles chansons de George Harrison avec les Beatles, Something et surtout While My Guitar Gently Weeps. Something in the way Un grand merci à Eric Clapton d'avoir poussé George Harrison à sortir de chez lui pour faire cette tournée au Japon unique en 1992. C'est le dernier moment où on aura vraiment un live complet, en tout cas, de George Harrison. Ce soir, nous allons exceptionnellement rendre l'émission à l'heure dans 55 minutes parce que ce soir, il y a une émission spéciale Johnny de A à Z. Dès 22h, c'est écrit, avec des invités, Frédéric Quinonero et son livre Johnny, Sylvie Vartan, ça c'est le premier, Les chemins de sa vie. Et il y aura Rook Lebarge et son ouvrage Johnny Hallyday, discographie, j'aurais dû mieux préparer ça, discographie française, je le redirai tout à l'heure, qui seront reçus par Eric, en interview en tout cas. Ça risque d'être absolument passionnant. Rendez-vous dès 22h pour l'émission extraordinaire de RIG. Johnny de A à Z avec Eric Gallo. cares. I said a foolish thing last night. I didn't think he'd take it back. But now I'm on my way again. And just before I go, only one more kiss. Extrait de Red Rose Speedway, Only One More Kiss, sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 604, dont l'album de la semaine est Sentimental Journée par Ringo Starr en 1970. Et voici justement le titre éponyme, celui qui a donné son nom à l'album, en moins que la chanson était créée après avoir trouvé le titre de l'album. Je n'en sais rien, en 1970, je n'avais que 6 ans. Voici Sentimental Journée sur RIG. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew. Got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. J'ai placé cette chanson à dessein à cet endroit-là parce que nous arrivons maintenant à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou après la séparation, même si eux-mêmes faisaient des covers de quelqu'un, de leur père ou de qui que ce soit en tout cas. Cette chanson, Sentimental Journey, a été reprise par quelqu'un de célèbre. Ah oui, très célèbre. On l'appelait The Voice. Voici Frank Sinatra et sa version de Sentimental Journey sur RIG. Gonna take a sentimental journey. Set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, I got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, I long to hear that all aboard. 7, that's the time. Merci Franck, on te rappellera, probablement. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h. Et là, j'ai voulu me faire, puisqu'on est en fin d'année, un petit cadeau au travers de Eric, mon ami depuis plus de 20 ans, bientôt 30, hein, dans 4 ans, ça fera 30 ans, je crois, qu'on se connaît. Il a fait pour moi des duos impossibles, je vous propose le duo Ringo Starr et Elvis Presley pour la chanson Don't Be Cruel. Ça n'a jamais existé. Ringo Starr n'a pas chanté avec Elvis Presley et c'est bien dommage parce que ça donnait ça. You know I can't be found. Sit home all alone. And you can't come around. that please, please telephone. But don't be cruel, too hard is true. Maybe if I'm aiming for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Thinking of me, don't make me feel this way. Come over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby, because it's my heart. Let's walk to the preacher and let's say hi. Make me all know you have me, and I know that I'll have you. And don't be cruel to who heart's true. I don't want no other love, baby, it's just you and me. Let's walk up to the preacher. Don't be cruel. Gallo, dont nous retrouverons l'émission dans 37 minutes. Je vais tâcher de finir à l'heure. L'émission spéciale Johnny de A à Z ce mercredi 12 juin 2024, dès 22h, c'est écrit, sur RIG 90.7, avec comme invité Frédéric Quinonero et son livre Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie, et ainsi que Rook Le Barge avec son ouvrage Johnny Hallyday, discographie française. Tous les deux en interview téléphonique, mais ça promet d'être absolument très très très intéressant. Rendez-vous ce soir à 22h sur RIG, une émission spéciale programmée par Eric Gallo. George Harrison, en 1973, Poursuis-moi, je te poursuis, c'est le blues. C'est sur l'album Living in the Material World et c'est sur RIG. a peu de temps, dans une précédente émission de la saga des Fab Four, j'avais proposé d'écouter Hey Jude en version studio. Et l'un ou l'une d'entre vous, sur le groupe Facebook, dans le groupe la saga des Fab Four, avait dit « Ah oui, quand il dit seulement les garçons, seulement les filles, etc. » Et je m'étais dit « Oui, on aurait pu le passer en live. » Eh bien, il suffisait d'y penser et puis de le faire. Donc voici Hey Jude en live. Avec seulement les filles, seulement les garçons. Don't be afraid. You were made to go out together.

Il ne dit jamais ça, Paul. En tout cas, c'est presque fini. Et dans quelques minutes, ce sera Eric et son émission spéciale. Can't stop thinking about you. dépêche parce que dans quelques minutes, Eric va faire son émission avec deux interviews. Et notamment Rouquebarge et son Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, la discographie française de Johnny. Ça va être passionnant. Vite, on retrouve les Beatles en live avec un truc bien amusant. Paul McCartney qui reprend une chanson chantée par Ringo Starr en principe, mais il le fait pendant une répète. Ça donne I Wanna Be Your Man par Paul McCartney. Sympa. Extrait de l'album de la semaine You Always Hurt the One You Love, Ringo Starr sur Sentimental Journey.

obligé de passer à la dernière parce que on est en retard. Is it you or John that says they have blisters on their fingers? It was me. I got blisters on my fingers! J'ai fait beaucoup d'efforts. Dans quelques instants, Johnny de A à Z avec comme invité Frédéric Quino Nero et son livre Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie, ainsi que Rouclebarge et son ouvrage Johnny Hallyday, discographie française. Ça va être très très bien. Je laisse ma place chaude à Eric Gallo. A tout de suite, à bientôt. En fait, pour mercredi prochain, il n'est pas certain qu'il y aura une émission à cause de la nouvelle table qui va arriver. En quel cas, ce serait le mercredi suivant et ce serait la dernière saga de la saison.